m'écoutes, félicitations. C'est une bonne journée, c'est une bonne date. 13e saison, 4 ans. Je suis assez fière parce que je pense qu'il n'y a rien envie que je t'offre plus que 4 ans. C'est comme mon chiffre. Mon chiffre de fiabilité, de solidité, de dureté, d'éternité. Oui, 4 ans. Et je critique les foules depuis tout ce temps-là. Je t'observe, je t'aime surtout. T'es si belle, crowd. T'es si beau, crowd. Et sinon, oui, je me pose bien des questions. Ce sera le cas. Et surtout, je me sentirai comme une nouvelle dans un domaine tout à fait néophyte, l'œil ouvert, bien curieuse de comprendre et surtout heureuse d'être parmi toi, foule, au Festival international de Reggae Montréal qui avait lieu du 26 au 28 août. Non, je ne suis pas à l'avance dans le contenu pour les habitués de l'émission. Écoute, crowd, qui sont des habitués de l'émission, je suis en retard dans ma vie de 2 semaines minimum. Fait que c'est que même ça va se passer cette semaine. Mais oh, je suis d'actualité par contre, puisque mardi dernier, c'était le lancement de la programmation et de CISM Bintin. Ça donne bon, on va pas faire celle des autres stations. Et il y avait Louis-Philippe Gingras au Quai des Brumes. Ben oui! Qui dit spectacle, qui dit crowd, égale critique de crowd. Et ça égale beaucoup de nostalgie. Et je veux même parler de Norvège, fait que je peux quand même dire que c'est un spécial international. On va commencer en musique avec, évidemment, j'ai dit évidemment, parce que je pense que je commence toujours mes nouvelles années avec Montréal Carnivore. Je les remercie encore de m'avoir fait un si bel indicatif. Et surtout, on est arrivé à peu près en même temps à CISM, eux dans le palmarès et moi dans la programmation. Alors, pour tout ça, merci de faire du si bon rock. Et on va vous écouter mon premier coup cœur de la station Viande, Montréal Carnivore. Montréal Carnivore sur les ondes de la marge avec la chanson Viande. Critique de crowd était effectivement présente pour le lancement de la programmation. Je crois que j'en ai manqué aucun de toute façon. Alors, si vous voulez voir nos binettes, la mienne est assez incluse dans cette foule-là. Ces jours-là, et c'est pas mal toujours des mardis soirs qu'on organise nos fameux 5 à 7 qui finissent toujours très, très tard. Et dans mon cas, j'étais semi-accompagnée et c'est quand même... C'est quand même un drôle d'anecdote. Parce que je sais pas vous, cher auditeur de CISM, mais moi, dans la vie, sûrement comme ben du monde, je me suis ouvert un compte de Couchsurfing que je me suis jamais servi. Tu sais, le moment dans ta vie que tu te dis « Ah, je vais aller voir ailleurs, je vais explorer, j'ai envie de rencontrer de la foule étrangère. » Puis finalement, j'ai ouvert mon compte sur Couchsurfing et j'ai dormi sur le divan de personne d'autre. Et il y a personne que j'ai accueilli non plus. Fait que j'ai un compte qui sert totalement à rien, à part avoir une vieille photo qui date. Mais je sais pas ce qui s'est passé sur Couchsurfing récemment, mais ça fait 2 personnes en 1 mois qui me disent « Hey, allô, ça a l'air que tu connais beaucoup la musique. T'as-tu des suggestions à me faire? Parce que je suis en ce moment à Montréal. » Je sais plus ce que j'ai marqué. Il faut vraiment que je retrouve le mot de passe des gens en partant, fait que ça va m'aider. Mais... je sais plus ce que j'ai marqué sur mon compte pour être autant demandé, sollicité pour la sortie. Peut-être ils écoutent Critique de Crowd chacun dans leur bout de petite planète. Ça m'étonnerait, je pense que c'est vraiment plus. J'avais marqué que j'aimais la musique en général. Et étant donné que c'était le lancement de la programmation, j'avais dit à un Finlandais qui s'en allait à Montréal pour la semaine, j'ai dit « Hey! » Mais viens au lancement de la programmation! Bon, là, l'affaire, c'est qu'il trippait surtout sur le métal. Je me suis dit, peut-être qu'il va croiser 2-3 personnes, tu sais, qui va pouvoir y jaser musique, un peu plus par son genre, parce que Louis-Philippe Gingras, c'était électrique pour la guitare, mais disons que pour la sonorité, on n'est pas trop dans le black metal, mettons. Fait que c'était aussi les allégeances musicales de notre cher Finlandais. Et pour... certains m'ont dit, c'est bien cliché, un Finlandais qui trippe sur le black metal ou juste sur le métal en général. Ben, écoute, en même temps, il est bien placé. Et en même temps, tu sais, l'affaire avec des sites comme ceux-là, autant que peut-être en général les sites de rencontre, tout ce qui unit des gens qui ne se connaissent pas, la foule vers les connaissances, c'est que tu sais à peu près à quoi ils ressemblent avec les photos. Tu sais, moi, j'ai les cheveux verts, violets, tu peux me spotter, pas change jamais de couleur de cheveux de toute façon. Mais lui, il était barbu. Hein? Barbu, c'est vaste. Tu sais, j'avais vu en photo, mais j'avais certains doutes, pour être franche. Fuck! Première affaire que je fais aucun des brumes, ben, je vois le monde d'essayer ça, je suis bien heureuse. Deuxième affaire, spot le barbu. Le barbu, tu sais, que pas une barbe bien arrangée d'hipster, tu sais, un petit peu froufrou, là, tu sais, une barbe, une vraie, là, tu sais, une barbe naturelle. Et mon premier réflexe, ça a été de voir le premier barbu puis dire « Hey, est-ce que tu parles finlandais? Est-ce que tu viens de là par hasard? » Puis il m'a dit « Non, pas pantoute. » Enfin, ça me confirmait déjà, s'il comprenait ma question, qu'il allait pas être la bonne personne. Tu sais, il aurait fallu que je lui demande en anglais. Puis ouais, ça a pris quand même un certain temps avant que je puisse trouver ma fameuse personne. Et il est resté un certain temps, je crois, avoir réussi à faire découvrir à la fois CISM à l'international et à la fois Louis-Philippe Gingras. Mais sinon, il était à la soirée. J'y suis allée une fois, je n'ai jamais fait la critique de Crowd. Je me suis dit, c'est le moment, puisque notre chère nouvelle amie est allée au Mondolingo. Ça, il y en a 2 à Montréal. Il y en a 1 au Loup-Garou, c'est le vendredi. Celui-là, hey, je suis ingrate, je me rappelle. Ah! Non, le Clébard, c'est sur Saint-Denis. C'est vraiment à 3 bords du Quai des Brumes. C'est vraiment, vraiment proche. Et en gros, la thématique, c'est que c'est un échange de langage, mais pas, dis même, ça, pas échange de langue-langue, mais vraiment, tu jases. Puis t'as des petits collants de drapeaux de pays pour pouvoir t'identifier de ta langue que tu veux pratiquer, mais aussi celle que tu, est ta langue maternelle, ouais, celle que tu pratiques très, très, très, très bien, mettons. Et c'est toujours une drôle d'ambiance. Moi, c'est la 2e fois que j'y allais. Ben, j'ai refait un tour voir si il passait une bonne soirée en terre montréalaise. Et moi, c'est ça. Déjà, c'était drôle. Juste l'éclairage était vraiment flash. Il n'y avait pas de musique, sûrement pour que le monde puisse bien s'entendre. Mais ça, ouais, trop d'éclairage, pas de musique. Ça sonnait drôlement cafétéria à mes oreilles et à mes yeux. Ça, il y a quelque chose de... je trouve ça un peu frais, tu sais, mais ça me semble encore plus dur d'aller voir les gens quand le but, c'est justement d'aller voir le monde, de leur parler, mais tu sais que tu vas pas bien parler et qu'en plus, tu les connais pas, fait que t'as encore moins de sujets de conversation pour te dire comme de où tu viens, qu'est-ce que tu fais à Montréal, puis après ça, tu fais comme « Oh, qu'on a fait le tour de la conversation! » Mais c'est ce que je trouve extrêmement beau dans ces rencontres-là, c'est la motivation et la volonté. Parce qu'en même temps, ils restent sur place. Moi, je sais pas, je resterais là 5 minutes puis je me dirais mon Dieu, que je peux rien à dire au monde, surtout je manque de vocabulaire visiblement pour faire une conversation plus longue. Mais non, tu sais, ça veut continuer. Puis quand ils pognent quelqu'un, tu sais, qui est bon dans la langue, qui veut le pratiquer, là, tu le sens, tu sais, qu'il y a encore plus la volonté de pratiquer. Il y en a un qui m'a compté, ça fait 4 mois, c'est un périvien, ça fait 4 mois qu'il est à Montréal, puis il a fait du vélo de Laval jusqu'à Campagne pour aller voir un ami. C'est doublement de la volonté. Mais oui, je trouve ça quand même incroyable d'avoir eu ce petit partage-là d'un fragment de vie, l'instant d'un mandolingo. Et en même temps, c'est à la fois pour moi de vous dire « allez-y », ça a l'air toujours un peu étrange, tu sais, sur le coup, c'est loin, l'aspect un peu frette, un peu forcé de la patente. Mais en même temps, je crois que pour des gens qui veulent venir apprendre le français ou l'anglais, qu'il y ait des gens de Montréal qui se pointent dans ces soirées-là, au lieu d'être juste comme entre touristes et entre PVT pour aller pratiquer une langue, je pense que c'est vraiment l'idéal. Et ouais, les gens sont aimables, puis oui, ils sont beaux, ils sont remplis de « je veux apprendre », ce qui est comme le truc le plus remarquable. Oui, oui, oui. Apprendre une nouvelle langue, moi, c'est toute mon admiration. J'ai assez de la misère avec le français. Imagine en plus l'anglais. Et boy! Fac! On va continuer en musique puisque je voulais encore rendre honneur au grand charme que j'ai d'animer à CISM. C'est une radio, alors des chansons qui parlent de radio. Radio, les vétérans, puisque ouais, on aspire toujours à devenir un peu vétéran. Et ce sera suivi par Le Globe Radio Ouverte. Vous avez entendu les vétérans avec la chanson Radio qui se retrouve sur leur album Vautrait, puis qui... Oh, je suis plus capable de dire le titre. Vous irez voir sur les internets. Et sinon, vous avez aussi entendu Le Globe, leur EP, Porte Orchestre de mariage, la chanson Radio ouverte. Vous écoutez Critique de Crowd qui déparle parfois... Et entre autres, mais qui est surtout bien attentive pour le spectacle. Tout à fait long et dans le bon sens du terme. Je m'attendais pas que ce soit un aussi long set pour un lancement de programmation de CISM. Louis-Philippe Gingras, seul et unique, ou presque, avec sa guitare électrique. Je dis ou presque parce qu'il y aura bien surprise sur scène. J'allais dire deux fois plutôt qu'une, mais disons qu'il y en a une, c'était arrangé, l'autre, c'était spontané. Je reviendrai plus tard parce que... Je vais être vraiment honnête avec vous autres. Ben déjà, en partant, là, tu te dis sûrement, toi, à job ou que tu sois en train d'écouter la radio, que ce sera une critique tout à fait biaisée. Effectivement, j'ai affaire à des gens que j'aime de tout mon cœur, les animateurs de CISM et des inconnus. Et le Quai des Brumes étant un lieu de rencontre pour les musiciens. Il y a les habitués, il y a les barman. Vraiment, je sais pas, il y a une atmosphère au quai. Fait que je peux pas ne pas aimer. J'aime le quai et j'ai tellement un respect aussi pour la place que nécessairement ça vient changer ma critique. Par contre, je sais que quand c'est un lancement de programmation de CISM, on est genre à être placoteux, c'est sûr! Ça fait longtemps qu'on s'est vu, puis là on est... Oui, ça veut dire qu'on est tout énervé, puis on parle, puis on parle, puis on... Puis ça se peut que le spectacle prenne un peu moins d'importance que le fait qu'on se retrouve et qu'on soit heureux d'être content de se retrouver. Beau mélange! Au Quai des Brumes, c'est son premier problème! Ah! Ben oui, il y a tout le temps du monde qui jase près du bord, puis étant donné que c'est une ancienne église, je crois aussi que c'est encore écho, comme le veut une église. Fait que, ouais, on l'entend, le blablabla qui vient du fond de la salle. Fait qu'en avant, ça peut être des fois un peu pesant. Tandis que là, on dirait que... disons, nos deux petits défauts, bah. Ils s'unissaient parfaitement pour les circonstances. Et... question folle, oui, il y avait une espèce de division, si on veut. Des gens qui sont restés bien attentifs du début à la fin, qui étaient proches. Un certain dégradé, justement, bien attentif. Et je dois quand même aussi reconnaître, j'étais semi en avant. Et c'est notre directeur musical, Benoît, qui m'a fait un signe comme « Ah ouais, on s'approche ». Tu sais, une invitation de foule comme « Ah ouais, tu le sais que tu vas l'écouter le show, Jolene ». Rapproche-toi donc. Même chose pour les autres camarades. On a été quand même plus proches que je l'aurais été naturellement. Alors, merci pour ce coup de main qui n'est qu'un mouvement en l'air. Et une foule dégradée, mais dans d'un bon sens, la concentration de foule et d'attention était en avant. Si tu l'étais moins, ben ouais, t'es plus proche du bord. C'est de même, ça se passe. Et je parle beaucoup d'écoute parce que non, c'est pas tant une affaire d'énervement ou de danse, mais je trouve que la performance lui Philippe Gingras, c'était pas un artiste que j'avais vu auparavant. J'ai été vraiment, vraiment charmée de la performance. Il est charismatique. T'as envie de l'écouter du début à la fin. Ça fonctionne. On le suit dans ses anecdotes. On le suit dans tout ce qu'il fait sur scène. Il est tout seul avec sa guitare. Moi, c'est toujours... pour moi, c'est vraiment une forme de charisme quand t'as juste ça. Puis on te suit, ça va tout seul. Et un des moments les plus forts, c'est quand La Bronze est venue faire Parc à chiens, chanson qui a été hyper populaire sur le palmarès. Et ça a levé, mais vraiment beaucoup. Je serais curieuse de savoir dans d'autres circonstances, mais étant donné qu'elle a tellement goulé à CISM, c'est une chanson bien aimée, les gens connaissaient les paroles, ça pouvait les répéter. Vraiment une ambiance supplémentaire que je crois vraiment que c'est juste le fait qu'on soit de CISM, qu'on l'ait écouté souvent, il y avait quelque chose d'encore plus rassembleur. Je suis certaine qu'à une autre performance, à un autre spectacle. Et ça a été aussi l'occasion de faire la vague. La vague de devant de la scène jusqu'au bord. Et quoi que je pourrais dire sur les gens qui placotent, vous êtes participatifs. Alors, c'était vraiment agréable comme vague de passer vraiment tout le quai et qu'elle puisse revenir. Oui, c'est drôle. Surtout que ça arrive pas souvent, la vague. Je sais pas si c'est parce que ça fait un peu stade, ça fait un peu sport. Je pourrais pas... Ou peut-être l'organisation. Tu sais, c'est drôle comment dans la vie, je sais pas, je vais voir des shows, on arrange un circle pit, là, le temps de le dire, ben faire la vague, et boy, ça c'est compliqué, mais cette fois-ci, non, c'était beau, ben oui, c'était beau. Et c'était beau aussi, quand je disais qu'il y avait un bon état sur scène, je crois que c'était encore plus décuplé avec La Bronze, parce qu'il y avait tellement une complicité entre eux, une amitié, et le fait qu'on soit complices de ça, puis qu'ils nous le partagent, vraiment un vrai échange public-artiste, c'était tout à fait ressenti à ce moment-là. Et quand je dis partage, Mike de Bol de Gruau a une compilation de Noël qui inclut une chanson de Louis-Philippe Gingras qui, paraît-il, joue tout le temps, finalement. C'est une chanson de Noël, mais qui fonctionne à l'année. Et là, je dis à Mike, mais Mike, tu sais, on a enregistré la chorale à la station, mais sans lui, tu sais, c'est dans les studios de CISM qu'on a chanté comme des cabochons. Je dis, mais là, faut qu'il sache, on est dans sa face. Je voulais juste qu'il sache que c'était nous autres parce que j'étais dans sa face. C'est comme, ah, mal, il y a comme un secret qui ne devrait pas être. Fait j'étais beaucoup trop excitée à dire à Mike, ah, mais va y dire. Et ça a plutôt terminé qu'on a fait la chorale, la reconstitution, oui, de tous ceux qui étaient présents dans la chorale enregistrée sur la chanson, sur scène. Je crois qu'on peut appeler ça une exclusivité. C'était magique que ce soit cette permissivité de pouvoir aller sur scène et aussi de repartir aussitôt, mais de pouvoir vivre ce moment-là. Ah, je suis aussi chanceuse d'être à CISM. Quelle famille! C'est le moment où je me sens têteuse, comme à chaque fois, je dis comme merci CISM, merci Charlotte de CISM. Vous êtes tellement indulgent et d'une gentillesse. Et merci encore pour vos commentaires. Je le fais tout le temps en fin d'émission, mais j'ai envie d'en profiter en ce moment parce que ça fait 4 ans, 13 saisons. Ça porte malchance, 13. Fait que c'est pour ça que je te remercie tout de suite avant que ça aille mal. Non, je te niaise. Ça va bien se passer. Et aussi, sûrement que j'étais un peu nostalgique en voyant justement l'assemblement de autant de musiciens, d'animateurs et de croiser les auditeurs. Je me rappelle encore comme la première fois quand tu vas, et peut-être pour vous, futurs animateurs de CISM, quand vous allez à un lancement, tu connais personne. Et moi, tout ce que je me souviens de mon premier lancement, c'était des pantalons à divan viril qui étaient roses, fluo, puis vert, pas croyable. Fait que je connaissais personne. Puis je me suis dit, eh boy, ils sont quand même spéciaux, mais ils sont tout autant adorables. Merci, Divan, de porter des pantalons que je me rappellerai toute ma vie. Alors, on va continuer en musique justement avec cette chanson-là qui est de Louis-Philippe Gingras sur la compilation Gruau de Noël, Seul à Noël. Tu n'as pas de maison, mais tu as un sapin. Mais lui n'a pas de boule à te mettre sous la main. Tu n'as pas de famille, ils sont morts. T'es comme un enfant reject dans son blanc château fort. Comme la fée des étoiles qui boit après son shift. Le minuit chrétien, t'es-tu seul, pis tu siffles. Comme le Père Noël dans son carrosse. T'es-tu seul à Noël, pis tu te crosses. Pas de tourtière, pas d'amis. Jamais eu de belle-mère à frencher sous le gui. Tu n'as pas de cadeau dans ton bas de culotte. Mais tu as un traîneau pour flasher avec les plots. Comme la fée des étoiles qui sniffe drette sur son shift. Le petit reine au nez rouge, y est-tu seul parce qu'il est fif. Comme le Père Noël dans son carrosse. T'es-tu seul à Noël, la petite grosse. T'es-tu seul à Noël, petite grosse? Mais tu as Louis-Philippe Gingras et la chorale de CISM avec la chanson « Seul à Noël » sur la compilation « Bol de gruot, gruot de Noël ». Vous écoutez toujours « Critique de crowd » après les publicités. Oh my God, c'est la fête! Fait qu'il y a un concours, fait que tu vas gagner des prix si t'appelles vite. Et sinon, ce sera « Critique de crowd » du Festival Reggae de Montréal. À tout de suite. Les 9 et 10 septembre, le festival Ancient Future fera vibrer le quai de l'horloge. Documenta, XXYYXX, NTO, CRI, Ryan Playground, Robert Robert et plusieurs autres. Plus de 24 heures de musique électronique sur trois scènes au hangar 16 du quai de l'horloge pour une expérience immersive unique. Utilise le code promo CISM et obtiens 30% de rabais sur l'achat de billets ou de passeports. AncientFuture.ca. Cette année, l'incroyable festival Pop Montréal a lieu du 21 au 25 septembre. Cette grande fête réunit plus de 400 artistes dont John Waters, Psychic TV, The Kill, John Kerr, Rialala, Jean-Michel Blais, Shinehead, Roy et Kid Kuna. Le festival organise aussi de nombreux événements comme la partie de basketball mythique Pop vs Jock, la célèbre foire d'artisanat plus pop, des expositions d'art, des conférences, des activités pour les enfants, des barbecues et plus encore. Rendez-vous à popmontréal.com pour vous procurer des billets, des passes ou pour obtenir de plus amples renseignements. Hashtag Pop Montréal. Du 7 au 10 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, OUMF, le festival de la rentrée, en collaboration avec les microbrasseries Trois Brasseurs, te propose 4 jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Voyez gratuitement DJ Jazzy Jeff, Loud Larry Ages, Marie-Pierre Arthur, La Bronze, Hidalgo, Brown, John Jacob Magistery et une tonne d'autres artistes. Vivez l'expérience Festival Maximal avec le bracelet exclusif OUMF en 360. Détails et horaires sur OUMF.ca. L'été n'est pas encore fini et la saison pique-nique électronique non plus. Ça tombe bien, à venir, DJ Harvey, Ellen Alien, Theo Parrish, Weevil, Young Marco, Julia Gover et plusieurs autres. Le pique-nique électronique, en collaboration avec Vidéotron Mobile, a savouré tous les dimanches de l'été jusqu'au 2 octobre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au pique-nique-électronique.com. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Yeah. venez d'entendre les Scalpés, répression d'infos, chanson qui se retrouve aussi sur leur propre album. Les Scalpés, c'est bien fait de même, mais ça se retrouve aussi sur la compilation de Satire. Vous écoutez toujours Critique de Crowd, mais si vous êtes des habitués de la station, il tirait sa révérence, notre beau Eric, et il nous a laissé cet été une compilation au nom de son émission Satire. Alors, pour tous les amateurs de punk, oui, cesse de pleurer, cesse. On va espérer. Je dis on va espérer parce que je parlais avec Eric, je disais, ça doit être incroyable quand même de savoir tout le bagage que tu laisses. Il manque quelque chose. Il y a Punkzilla, mais c'était tellement complémentaire. Question punk, c'est large comme famille. Alors oui, un deuil. Et on espère peut-être un successeur parce que c'est un milieu qui mérite toute sa diffusion et surtout bravo et merci Eric pour tout ce partage. C'est incroyable et j'espère peut-être que vous étiez même présent pour lui dire en personne le 3 septembre dernier. Mais personnellement, Sainte-Thérèse, déjà quand ça dépasse Montréal, j'ai bien de la misère. Fait que j'ai dit que j'étais là de mon cœur, mais pas en personne. Hey. Sinon, vous ferez comme moi, vous allez têter, genre, qui fasse un spectacle à Montréal. Aïe, aïe, aïe. Fait que voilà, allez dire des bons mots, allez télécharger ces dernières émissions et surtout continuer d'apprécier la bonne musique. Hey, si t'aimes la musique, ça se peut que t'aimes la crowd, ça se peut que t'aimes ça aller en voir, et ça se peut, tout comme mon nouvel ami finlandais de Culture Thing, t'as envie d'une couple de suggestions black metal cette semaine, t'es quand même un peu choyé. C'est quand même assez varié tout de même. Ce jeudi, justement, Marduk, avec Rodding Chris, Karash Engren et Necronomicon. Là, je sais que j'allais dire pas d'accent. Ça se passe ce soir. Je t'enverrai toutes les informations. Si je me trompe pas, c'est à l'Astral. Je l'enverrai sur le Facebook de Critique de Crowd. Vendredi, mais aussi samedi et dimanche, si tu veux une bonne dose d'électro, c'est Ancien Futur. Ça me fait quand même bien rire comme nom, parce que je me savais pas comme si, quel jour tu y vas, Ancien Futur. Ah! T'es comme perpétuellement dans un moment du temps où on sera y être, mais ça donne bien, c'est au Quai de l'Horloge, au Vieux-Port de Montréal. Et si tu y vas vendredi, dans ton moment présent de vendredi, tu vas voir Toki Monsta, Debbie Doe, Rand Maurer, Thomas White, B2B, Rue de Bois et Ryan Playground. Samedi, ils viennent tout droit de France et ils font une petite tournée. C'est Puta Vélo. Ils seront accompagnés avec Crab et Ghost Vines Alesco. Dimanche, pour les amateurs de Black Gaze, Ghost Bat sera en performance au Ritz PDB. Lundi, l'électro encore, Chrome's Sparks. Et ça s'est présenté au Théâtre Fairmount. Mardi, Slayer au Metropolis. Ici, tu es un peu plus punk rock garage Tenement avec Dusk à la Casa del Popolo. Et finalement, mercredi, plus psych avec Mystic Braves and the Dream Ride à la Casa del Popolo encore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas visité. Je suis due, visiblement. On va continuer en musique de façon plus froide pour justement mieux savourer le reggae et toute sa chaleur. On va écouter Automélodie et Drug Train. C'est du sort qui nous exprime, qu'un standard qui nous rappelle. Le hasard est un écueil comme ton regard est un obstacle. Le passé se teste à hanter comme le souvenir se déteste. Auront-ils le choix d'être enfin libre de vaincre leur vie? Voici le dernier tour. Des réponses à rien. Choses se brisent respectivement 8e et 21e position du palmarès francophone de CISM, Automélodie et Drug Train. Pour toutes les autres positions, CISM893.ca. Hey, je t'ai promis un concours. Ben tiens, le v'là, c'est Tudor Cinema Club qui seront Métropolis le 21 novembre prochain. Si tu veux des billets, tu appelles tout de suite. Sinon, ben, pour vous mettre dans l'ambiance du Festival international reggae de Montréal, je vais vous mettre un des... je vais me permettre le temps, mais rare groupe reggae que j'ai trouvé dans la Sismothèque. Groupe québécois, et je crois que leur dernier album date de 2004, Cali Roots, avec la chanson Funky Reggae. Cali Roots sur les ondes de la marge, funky reggae. J'espère que ça t'a bien mis dans l'ambiance du Festival international de reggae de Montréal. C'était la 13e édition cette année. Et l'année dernière, pour encore une fois, ceux qui sont habitués à l'émission, vous avez juste une bonne mémoire, j'ai complètement manqué mon coup. Mais les choses sont bien faites. Je m'explique. Première chose qui est bien faite, c'est que j'avais donné mes billets à un auditeur qui m'avait fait un topo et qui m'avait bien vendu cette ambiance chaleureuse. Et j'allais dire, j'espère bien, tu sais, du reggae fret, me semble, ça fit pas. Mais en même temps, tu sais, je m'y connais pas, ben, c'est le gros point. C'est que je suis souvent, tu sais, dans le rock, le punk, le metal, tu sais, il y a du mosh pit, du trash, je veux quand même être capable de te l'expliquer et de savoir à peu près de quoi je parle. Tandis que reggae, déjà, je suis néophyte, c'est un univers qui inclut le sound system, reggae instrumental, dub pretty, les lovers rock. Au sol, là, j'étais un peu surprise quand je suis tombée sur le terme skinhead reggae. Ça, je vais m'aventurer à découvrir le genre, mais j'étais comme, what? Ça se peut? Je restais bête. et surtout le New Roots. C'est tout à fait varié comme genre. Et vendredi, c'est la journée où je suis allée. C'était, ouais, en quelque sorte, bon pour moi, parce que c'était une journée, on pourrait dire, initiation. Initiation, une introduction à la culture du sound system, disco mobile jamaïcaine. Et sinon, c'était aussi un artiste, un vétéran du milieu cocotis. Et quand je dis que c'est bien fait, c'est parce que c'est exactement lui que j'ai manqué l'an passé. C'est exactement lui que l'auditeur m'a dit, tu vas voir, il est malade. Il est malade, il a été rappelé. Dans le fond, c'est le public qui a demandé qu'on le ramène à Montréal cette année. Et d'après les cris du public et les affirmations du chanteur, je crois qu'il va aussi revenir l'an prochain. Alors voilà, j'étais due pour Cocotis et je suis bien heureuse d'y être allée. Alors ce sera découverte, initiation à tout ce milieu qui m'était encore une fois inconnu. Non, j'avais toujours pas fait de critique de Crowd. Et un jour, c'est aussi une chanson de Grimmskong sur leur album Set Fire. Sont bien indémodables, Grimmskong avec la chanson Un jour sur leur album Set Fire. Hey, entrer au festival reggae de Montréal, c'est une aventure, c'est un labyrinthe, je te gorge déjà le punch, mais je pouvais pas le retenir. Ah, je pouvais pas le retenir. Et de toute façon, ça prend pas de temps pour l'apprendre en tant que festivalier, festivalière. Bon. Tu sais, comme le veut, bon festival, je sais pas, là, tu sais. Ben, soit t'as déjà tes billets, là, effectivement, ou tu les as déjà imprimés chez vous, ou tu vas à la billetterie. Ah! Fait que là, après ça, je me dis, écoute, l'entrée, ben, c'est celle à côté de la billetterie, ça doit être pratique, tout ça. Non, non! Non. Surprise! La scène est face à l'eau. C'est fort charmant, puisque, un, c'est sûr que c'est plus payant pour le festival. Là. Ça fait pas un show gratis aux touristes du Vieux-Port. Mais aussi, ça donne une belle vue de Montréal devant ta scène avec ton artiste préféré. C'est juste que en organisant ça de même, pour tout bon festivalier comme normal, là, ben, ça faisait en sorte que t'es peut-être plus proche de rentrer par le backstage que de rentrer par l'entrée normale. J'ai trouvé ça spécial. J'ai fait comme Ah, c'est l'entrée pour les artistes. Ben d'accord. C'est juste qu'elle est vraiment à côté, tu sais, de la billetterie. C'est un peu surprenant. Je m'attendais pas. D'accord. Fait, je me sens un peu bébête, tu sais. Je me sens un peu amateur. Mais c'est pas grave, tu sais. Je fais comme c'est correct. J'avance vers mon destin. Puis il y a ben du grillage. L'impression, oui, tu sais, comme un labyrinthe pour un. Il y en a des fois l'été, genre pour les enfants là. Puis tu te perds, puis c'est le fun. Mais t'es dans un labyrinthe, c'est pour ça que c'est le fun que tu te perds. Sinon, ce serait triste. Fait que bref, tu sais, t'avances. Ah! La fouille, c'est quand même drôle parce que c'est un peu particulier. C'est un peu... parce que ils me disent, ah oui, ouvrez votre sacoche. Ils regardent même pas le fond, ils fouillent même pas. Ils regardent puis bof, c'est pas grave. Bah, ce que tu traînes dans sa sacoche, correct. Ils me fouillent même pas physiquement, tu sais, ils vont pas voir si j'ai quelque chose. Disons, ce qu'on voit couramment en temps de festival. Mais... Il me passe le détecteur de métal! Ah! Je comprends rien de leur technique. Tout ce que j'aurais pu apporter qui n'était pas en métal, qui aurait pu être dangereux ou peu importe, on souhaite pas de malheur, évidemment. Juste que je trouvais que... Ouais, drôle de technique. Je juge pas, mais c'est la première fois que je vois ça. Je trouvais ça original. J'étais « OK, c'est moi qui dois pas être habitué. C'est moi pis les habitudes. C'est correct. C'est correct aussi, tu sais, que l'entrée des festivaliers soit... Loin! Ouais, ça fait de l'écho, là, tellement c'est loin. Puis t'es sur le bord de l'eau, fait que ça fait encore plus de l'écho. Mais par contre, ça doit être ça aussi, tu sais, le reggae. Ils sont cool! Tu prends ton temps. Ça m'a permis de prendre mon temps. Tu sais, tout le bord, tu marches, tu fais vraiment le tour du festival, de tout son site, qui est carré, qui est de l'asphalte, qui est en grillage, tu vois au travers. Puis tu vois, disons, l'arrière-scène des kiosques à bouffe, ils sont nombreux et c'est vraiment un des attraits du festival, c'est de pouvoir, goûter à toute la variété de la nourriture jamaïcaine. Mais là, tu sais, t'as toute la cuisine derrière toi pour arriver à l'entrée du site. Fait que tu fais, ça a l'air bon, je vais m'en rappeler. Et de l'autre côté, à ma gauche, pour moi qui marche vers l'entrée, ben il y avait les arbres, il y avait, je crois que c'est un événement au Vieux-Port, fait que bref, il y avait du multimédia, les arbres avaient des faces et c'était pas juste dû au fait que j'hallucinais, non, c'était de la vidéo et c'était fort charmant, fait que je suis heureuse quand même, je me suis dit, hey, j'aurais pas pris le temps si le site avait été comme fait, disons, de façon... Ouais, normal. J'ai l'air gênée de le dire parce que, pour être franche, je repensais aujourd'hui au festival reggae et je pensais aussi surtout à la standardisation des festivals. Je vais me permettre de juste dire Montréal parce que j'ai pas assez voyagé pour pouvoir comparer à l'international, mais avec des gros festivals, Hillsonic, Evenco, on va le dire, mais ça fait que tu vas d'un festival à l'autre et ça se ressemble. Oui, effectivement, parce que c'est la même propriété qu'il y a, ces festivals-là. Et même là, l'autre jour, en allant au pique-nique électronique, je voyais les mêmes fruits dans les mêmes petits copes en plastique. Je me disais, comme à Chicago, puis j'étais comme, c'est le fun de manger des fruits, puis en même temps, tout se ressemble. C'est quand même dangereux, la standardisation. Et en même temps, des fois, c'est pratique que l'entrée des festivaliers soit pas à l'autre bout du monde. Mais bon, je suis tiraillée, pour être très franche, entre ces deux aspects-là, entre le pratico-pratique, la standardisation des gros événements. Qui dit gros événements, on dirait que ça demande une certaine structure. Doit-elle toujours correspondre au même frame? Parce que souvent, je vais apprécier des événements qui sont très bonnes franquettes. On est entre vous autres, c'est sympathique, c'est sans façon, pas besoin de flafla puis d'accessoires. J'apprécie énormément ça et je me dis dire, est-ce que c'est juste une question de grandeur qui empêche, disons, cette bonne franquitude-là? Ou tout simplement, ouais, des fois, c'est juste une petite question de logistique. Comme tu fais, c'est bête, mais il me semble que ça maximiserait mon plaisir. je sais pas. Fait que pendant que j'étais un petit peu déstabilisée de tout ça, tu sais, surtout l'asphalte, je vais être franche, je trouvais que le site était fret. Tu sais, contrairement à la musique, c'était fret. J'étais comme, voyons, mais ben de l'asphalte. C'est bien plat. C'est bien plat. C'est bien gris. Il y a quelqu'un qui est venu me voir comme ça par hasard, par rapport, puis il me dit, hey, hello sunshine. Chaleur humaine sera toujours présente n'importe où. Et pour parler de Labyrinthe, Mylène Koo, ils en ont fait une chanson, alors tout en lourdeur, Labyrinthe de Mylène Koo sur leur album de Fragments. Thank you. et que ça finit drette sec demain, Mylène Kou avec la chanson Le Labyrinthe qui se retrouve sur leur plus récent album de Fragments. Vous écoutez toujours Critique de Crowd dans une toute autre ambiance, celle du reggae au Festival Reggae de Montréal. Ouais! Ouais, le monde crie pas comme ça. Je suis incapable d'imiter les cris de joie, là. Tu sais, comme wap wap! Bref, ça va me demander de la pratique encore. Hey! Il n'y a pas encore tout à fait de l'ambiance à ce moment-là quand j'arrive sur le site parce que la foule est très, très loin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'asphalte. Vraiment beaucoup. Trop, beaucoup, trop. Comme c'est large, c'est large. Il y a comme, tu sais, les deux espaces. Il y a la bouffe, plein de souvenirs et d'accessoires et ouais, tous ces kiosques-là. Ils sont très distants les uns et les autres. Ça prend toute la largeur, dans le fond, du quai. Fait que, ouais, c'est beaucoup d'espace. Je sais pas si c'est parce que la soirée était moins populaire. Non, j'ai vraiment. Le site était immense, sincèrement. Je pense que même à la capacité qui s'ascendait à recevoir, il y aurait eu encore de l'espace. Mais ça, ce n'est que ma perception. Et déjà, ça biaise aussi. C'était tellement grand qu'on était des milliers, mais ça paraissait encore si grand. Fait que je m'avance dans ce grand terrain, je m'avance, puis je vois surtout que, tu sais, comme la régie, la tente blanche qui le protège est comme juste un peu trop haute, fait qu'il y a personne en arrière, parce que ça cache la vue. Fait que je vois ses côtés, je m'aventure sur l'écran. Ça, c'est l'œil qui est critique de Crowd, mais en même temps un peu biaisé, tu sais, je vois un peu le mécanisme maintenant des festivals, fait que, tu sais, on voit un peu comment ça marche, puis j'avoue que mon œil a accroché à l'écran qui dit merci à nos commanditaires et aux médias. Bon, là, ça devait être moi qui devais comme « Ah, j'ai hâte de voir le logo de CISM! Si on est là, surprise, surprise! » Non, on le saura jamais. C'était juste marqué « Merci aux commanditaires et aux médias, mais on sait pas c'est lesquels. » Fait que je me disais « Voyons, c'est bien drôle! » Mais je me dis, c'est-tu moi ce qui est habitué à une certaine forme d'organisation ou c'est moi qui trouve qu'il manque comme le deuxième diaporama? Fait que pendant que j'étais en train un peu d'halluciner, en train de regarder l'écran, qui je vois sur scène et que je me mets à crier, puis je me mets comme mon cœur il saigne, parce que je suis comme « Ah mon Dieu, faut que j'aille le rejoindre, puis il est tellement loin! » Sébastien de Rhythmwise! C'est un habitué de la station qui va et revient, qui va et qui revient avec son émission Rhythmwise. Je dis « va et revient » parce qu'il n'est pas là cette saison, fait que je peux pas vous suggérer de l'écouter en ce moment. Mais bref, c'est un habitué, fait que je l'aime de tout mon cœur. Il est grand et adorable. Et là, je suis comme « Ah! » Je dis que mon cœur est saigne parce que je crie! Non, non, non, non! Il y a une clôture, une informe clôture que je détesterai toute ma vie, qui sépare la scène de la crowd. La zone, je ne veux plus la nommer. Elle n'est pas agréable, cet espace VIP. Il y a un espace VIP en avant qui sépare à la fois l'artiste de son public qui a payé le prix normal, parce que oui, ça reste des individus, les gens qui ont payé plus cher pour être VIP, juste qu'ils sont pas tant nombreux, fait que ça fait bien de l'espace. Ça fait une madame qui installe des chaises blanches, tu sais, pendant le set de Rhythmwise, ça place des petites chaises blanches, puis ouais, tout le monde cherche ouf, tranquille. C'est très varié, tu sais, il y a des gens de tous les âges, de toutes les origines, de tous les styles, fait que oui, c'est bien de s'asseoir quand nos petits genoux ne peuvent plus nous le permettre, mais en même temps, ça te fait pas une ambiance de feu non plus quand t'es à 2 mètres d'une énorme scène puis t'es assis. Fait que j'hallucinais. Puis là, j'ai dit, ah non, je veux dire à Sébastien que je suis là. Je voulais tellement lui dire bonjour, je voulais tellement lui dire que j'étais heureuse de le voir. Il était pas sa programmation. Déjà sur l'horaire, sur Internet et sur le Facebook, il y avait pas l'heure de qui passe à quelle heure. Je me disais, ah, relax, il m'arrive à 9h30 et advienne que pourra. Mais là, il était pas sa liste. Hey, j'étais surprise rare. Fait que moi qui pensais ne pas avoir accès à la zone VIP, je m'en vais poker un photographe en disant « Je connais le grand monsieur là-bas, va lui dire que je suis là, je m'appelle Jolène. » Puis il est allé, c'est vraiment la pure gentillesse incarnée. Il est allé, il a dit « Oui, la jeune demoiselle énervée là-bas qui vous fait des tatas, ben, elle vous fait des tatas pour de vrai. » Fait qu'il s'est pointé, puis ouais, il m'a expliqué que c'est quand même une pratique commune en Jamaïque d'avoir la scène VIP en avant. Tu sais, souvent, c'est sur le côté ou bof, t'as d'autres privilèges. Mais là, cette fois-ci, ils ont carrément accès à l'avant-scène. Puis je trouve ça tellement primordial que les fans finis, appelons-les ainsi, puissent être en avant, puissent s'énerver, puissent juste avoir cette proximité-là. Ah! Puis pour un artiste, sincèrement, ça doit être tough. Ça doit tellement être tough de donner encore plus de toute ton énergie. il y a au moins 10 mètres qu'il faut que tu ailles traverser pour aller chercher le monde à l'autre bout. C'est un 10 mètres supplémentaire qui n'existe pas à la base. Je trouve ça... moi, ça me fait capoter. C'est pas la première fois que je vois ça en festival, puis ça gâche... oui, ça gâche quelque chose. Je pourrais jamais être d'accord avec le principe de tu payes plus cher, puis t'as un espace en avant. Non. Je suis choquée. Ça va pas. Je suis triste. Finalement, j'ai tout fait ça pour rien en passant pour le photographe. J'ai réalisé que ma passe, ça me donnait accès aussi à VIP. Fait, je me suis sentie vraiment indigne, puis je suis allée tester la zone VIP. Je vous reviens là-dessus, parce qu'on va écouter Contre la clôture. On est contre la clôture! Avec Hidalgue. Hidalgue sur les ondes de la marge. Ben oui, toujours critique de crowd qui, profiter des sound systems, entre autres, de Rhythm Y. Je suis toujours en... Mon cerveau est court-circuit encore, puis à écouter et avoir assisté à des shows de musique électronique, je devrais m'habituer. Là. Des fois, il n'y a pas des instruments sur scène puis sont sur des ordinateurs. Mais bref, mon cerveau, il s'adapte tranquillement, pas vite au concept. Tandis qu'avec Cocotti, c'était full band. Fait que je me suis sentie comme chez nous. Je me suis sentie bien à l'aise déjà sur scène. Tout ce qui se passait. Et, bah, J'allais dire me sentir à l'aise aussi dans la crowd. Dans la crowd VIP. Ouais, j'ai un certain malaise parce qu'il y a trop d'espace. Il y a étrange. Ouais, trop d'espace par rapport à la proximité de l'artiste et de la scène. Tu vois, mon cerveau a court-circuité deux fois dans la journée. Fait qu'une fois avec, là, comme, ah ouais, il y a juste la musique, puis il y a pas les artistes comme sound system. OK. Puis après ça, de faire comme, OK, j'ai beaucoup trop d'espace, puis en même temps, j'ai pas tant envie d'en profiter. J'avais pas plus envie de danser. Puis ça, c'est quand même drôle. Ah, mon Dieu! Quand je suis arrivée, oui, j'ai spoté Sébastien sur scène, mais j'ai aussi spoté le seul gars debout dans la zone VIP avant que la petite madame, elle installe les chaises blanches, là. Il y avait un gars tout seul, debout, il dansait. Moi, je trouve qu'il faut vraiment de la confiance en soi ou de l'affirmation, là. Je veux dire, t'es tout seul! Il y a des milliers de personnes qui peuvent te regarder danser, là. Tout est là pour le show, je le sais, mais il y a ben trop d'espace. Tout le monde te regarde! Tout le monde te regarde parce que t'es dans le champ de vision! C'est pas comme si on faisait exprès de te regarder, là, mais je veux dire, c'est un fait. T'es devant la foule, là. Ça m'avait fait beaucoup d'effet. Mais en même temps, ce qui est assez incroyable de la foule reggae au festival, c'est comment c'était cool partout et que c'est assez éparpillé. Tu sais, déjà, les types de danse, oui, on n'est pas, disons, on n'est pas très gêné de la hanche, on n'est pas poigné, hein, comme on peut l'être. Mais non, là, c'est très décomplexé, mais c'est varié. Tu sais, autant en avant, tu peux avoir une madame qui a amené sa chaise, justement, qui mange puis qui s'amuse avec sa famille, autant qu'une maman qui est venue avec sa poussette, autant que des amis qui font des waouh, waouh, waouh, puis qui s'amusent, autant que tu as des couples qui dansent collés. Tout ça vraiment, un peu partout dans la foule. Fait que des gens qui s'énervent plus, t'en as autant à gauche, à droite, que t'as du monde super tranquille juste à côté. Les gens sont venus, puis ouais, il y a une espèce de côté de je fais ce que j'ai à faire, peu importe où je vais être. Puis je sais pas si cette espèce d'adaptation-là, peut-être que je suis la seule à qui ça souciait autant l'espace VIP. Parce qu'on voyait les commentaires aussi sur le site, les gens étaient heureux, satisfaits. C'est vrai que voir un artiste que t'aimes, ça fait toujours la différence malgré certaines contraintes un peu particulières. Mais ouais, j'ai quand même l'impression que les filles en avant avaient l'air d'autant plus excitées de voir Cocoty d'aussi près. Et Cocoty, il fait beaucoup participer la crowd, tu sais, il fait répéter son nom. Il fait comme « Coco, ti, Coco, ti! » Puis là, tu vois, moi, je parle aigu quand même. Imagine une crowd de filles, tu sais, puis des enfants qui font « Coco, ti, Coco, ti! » Ça alertait des chiens, hein, quelque part dans le monde. Là. C'était à des décibels assez élevés. Je trouvais ça beau, la participation, mais en même temps, je trouvais ça tellement drôle qu'avec son nom qui finit en « i », ça pouvait autant résonner dans une foule. Hey, je te parle de Cocoty, on va passer un court extrait. Now this one is designed for 18 and over, over, say 18 and over, over, mm-hmm, yeah. Hey, girl, won't you go home, go home to your mama, your mama. 18 and over, hey! Ça me fait penser, peut-être, crowd, en tout bon préjugé, me demanderas-tu, est-ce que tu as entendu, certainement pas, mais est-ce que tu as senti certaines odeurs dans la foule? Ah, je te dirais qu'on n'avait pas tant besoin d'halluciner. L'écran sur scène me faisait halluciner en soi et me donnait des effets secondaires parce qu'il y avait une caméra pour rediffuser ce qui se passait sur scène, mais elle filmait aussi l'écran. Fuck l'écran! Ah! C'était un kaléidoscope, là. Tu sais, on voyait la scène qui était sur la scène, qui était filmée sur l'écran, qui était filmée sur la scène, puis comme, ça finissait plus. J'ai essayé de compter le nombre de fois que je peux voir Cocoty, puis j'ai pas réussi à y arriver. Ça avait pas rapport. J'étais complètement... J'ai comme, voyant assis, j'hallucine. Puis là, ouais, moi, ça me prend pas grand-chose pour me sentir perdue dans la vie. Hey! Il y a juste une chose complètement folle qui m'est arrivée durant le spectacle. Je vous reviens là-dessus, mais je trouvais que la chanson du groupe humoristique Stella, ce groupe belge, je me suis dit que ça devait bien me correspondre. Je ne vois pas pourquoi vous reggae. Et je pense que je reggaetais pas assez pour certains dans la crowd, c'est à suivre. Thank you. suis pas une poule houillée. J'ai plein de trous dans mes souliers. Si t'aimes la reggae, si t'aimes la reggae, si t'aimes la reggae, si t'aimes la reggae, Rino. Ma vieille voiture commence à houiller. Elle ne veut plus des mains houillées. Un camionneur s'arrête houillée. Les houillées sont sympas houillées. Si t'aimes la reggae, si t'aimes la reggae, si t'aimes la reggae, si t'aimes la reggae, ridon. Sur l'album Kiss Elefanto de Stella se retrouve cette chanson. Je ne vois pas pourquoi vous reggae. Et des fois, avec critique de crowd, oui, je vais voir beaucoup de spectacles et je cherche toujours la magie ou ces moments spéciaux ou ces moments où je me dis, est-ce que c'est juste à moi que ça arrive ou que se passe-t-il? Un mélange d'un peu tout ça. Et plus qu'une fois, deux fois, ça va se passer au festival reggae. Je suis là, je dandine, je vais être franche, j'étais pas dans la grosse danse, mais je dandine devant Cocotie. C'est fort amusant. Je trouve que les filles qui font Cocotie, ils m'emballent, puis moi aussi, je fais ti. Et je dansais. Je dandinais les mains dans les poches. Il y a quelqu'un, ça n'a pas l'air de passer. Il y avait sa blonde à côté, tu sais, ils prennent un selfie stick, ben avec Cocotie sûrement, là, tout ensemble avec le selfie stick. Ok, j'ai de la misère avec la technologie, je ne sais plus quel bord faut se mettre. Mais bref, ils sont occupés. Mais le gars s'arrête, me prend la main dans ma poche, la main en l'air, danse comme 2-3 secondes, puis il retourne à son action. Je dis, OK, ça, visiblement, ça passe pas d'avoir ses mains dans les poches dans un show reggae. Où je me suis dit, ah, il est comique. Moment d'intimité de crowd, tu sais, il s'est permis physiquement. On a vécu de quoi ensemble. Je dis, OK, je laisse ça de même. Dans la crowd, ça, c'était dans la section VIP. Je vais dans la foule. Et encore une fois, sans être dans le gros emballement, parce que de toute façon, comme j'ai dit, il y a une atmosphère quand même cool. T'sais, on n'est pas Beatlemania, le monde crie pas. Oui, on crie aigu, mais on crie pas hystérique. Fait que ça, c'est tranquille puis ambiancé. Encore une fois, qu'est-ce que je te dise, crowd? J'aime ça danser les mains dans les poches. C'est confortable, c'est pas compliqué. Tu sais, juste comme, j'ai un petit move, là. C'est correct, on fait la vague de côté. Je sortis mes mains, bien évidemment, mais je les remets dans mes poches. Il y en a un, il s'approche. Ben encore une fois, il a pris ma main, il s'est mis à danser, puis pas juste un peu, là. On a dansé un 2 minutes ensemble, puis après ça, il s'est arrêté. Il est retourné avec sa blonde, puis il a redansé avec sa blonde. J'ai dit « Waouh, waouh, waouh! » Ça m'a fait quand même halluciner comment il n'y avait pas d'aspect attractif ou, j'oserais même dire, comme... tu sais, homme-femme, danse, c'est quand même, il y a un certain aspect sexuel. Puis là, il retourne danser avec sa blonde. Puis juste parce que j'étais pas, je sais pas si j'étais pas dans l'ambiance, je sais pas si j'ai comme enfreint quelque chose d'avoir dansé les mains dans mes poches. Ça va rester pour moi un très grand mystère, juste à temps qu'on me l'explique. Sur ça, il faut absolument que Sébastien reprenne Rhythm Wise en onde, parce qu'il va falloir que j'y pose des questions. Mais sinon, ouais, là où je croyais ne pas avoir de très grande interaction avec la foule, qui, oui, était venue en famille, entre amis, d'autres solitaires, mais qui était juste là pour l'ambiance, pour le groupe, j'ai vécu de quoi que je me serais vraiment, vraiment pas attendue. On a enlevé mes mains dans mes poches, c'est une première. Alors sur ce, je m'appelle Jolaine Ruet, j'anime Critique de Crowd pour toute la saison et même encore plus, qui sait. Et pour toute suggestion de spectacle, n'hésitez vraiment pas parce que j'aime beaucoup ça, avoir de la variété dans mon contenu. Critique de Crowd, Facebook, c'est bien fait pour ça. J'ai aussi un courriel et je parle Jarjaz à chaque semaine. Fait que pour ça, on va écouter les Ghouls, parle Jarjaz et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Et 10 septembre, le festival Ancient Future fera vibrer le quai de l'horloge. Documenta, XXYYXX, NTO, CREE, Ryan Playground, Robert Robert et plusieurs autres. Plus de 24 heures de musique électronique sur trois scènes au hangar 16 du quai de l'horloge pour une expérience immersive unique. Utilise le code promo CISM et obtiens 30% de rabais sur l'achat de billets ou de passeports. AncientFuture.ca. Ne manquez pas le grand retour de l'équipe de football des Carabins lors du match d'ouverture le vendredi 9 septembre à 19h contre Béchamp. Tailgate de la rentrée dès 16h. Soyez des nôtres. Tous les détails au carabinfootball.ca. Du 7 au 10 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, OUMF, le festival de la rentrée, en collaboration avec les microbrasseries Trois Brasseurs, te propose 4 jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Voyez gratuitement DJ Jazzy Jeff, Loud Larry Ages, Marie-Pierre Arthur, La Bronze, Hidalgo, Brown, John Jacob Magistery et une tonne d'autres artistes. Vivez l'expérience Festival Maximal avec le bracelet exclusif OUMF en 360. Détails et horaires sur OUMF.ca. L'été n'est pas encore fini et la saison pique-nique électronique non plus. Ça tombe bien, à venir, DJ Harvey, Ellen Alien, Theo Parrish, Weevil, Young Marco, Julia Gover et plusieurs autres. Le pique-nique électronique, en collaboration avec Vidéotron Mobile, a savouré tous les dimanches de l'été jusqu'au 2 octobre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au pique-nique-électronique.com. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine plusieurs bons événements à venir. Giuseppe présente une comédie décalée où des luttes de pouvoir shakespeariennes se trament dans un décor de montagnes russes et de barbe à papa. Ne manquez pas la pièce, en cas de pluie, aucun remboursement. Info sur giuseppe.com. Parce que toutes les familles ont une histoire, venez découvrir Histoire Hippie, le documentaire, à l'affiche pour une deuxième semaine à la Cinémathèque québécoise. Présenté du lundi au jeudi à 17h15 et 20h45. Rendez-vous sur cinémathèque.qc.ca pour plus d'informations. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel, consultez nos